j'aurais pu devenir peut-être un king ou un prince. Un paysan en province ou un loser qui crève de hum. Un délinquant, un thug, un chic type ou un fils rené. Respecté ou genre de chic type qui porte en premier. Un écrivain, un chanteur de rap ou de gospel. Un raciste, un bourgeois ou peut-être un homosexuel. Un bon père ou peut-être un lâche qui bat sa femme. Un junkie à la menace, prêt à tout pour voir sa clame. Un symbole, une idole, une star, un exemple. Une caille, un gangster, un tueur, un braqueur de banque. Personne n'est revenu nous répéter ce que les anges disent. Je suis une âme perdue qui a été victime d'une tragédie. J'aurais pu, enfin, vas-y laisse tomber. Imagine que, vas-y laisse tomber. C'est pas le conditionnel, non négro ne flippe pas. Imagine ce qu'aurait pu être ma life car je n'existe pas. Une âme perdue, victime d'un choix. Imagine ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. Turbulent, calme, heureux, triste. Imagine sa life s'il était né. Un gosse perdu, un prince ou un king. Un petit délaissé sans estime s'il était né. J'pense qu'il te pardonne. Parce qu'il sait ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. En aucun cas il faut que tu crois que j'en veuille à ma mère. Un acte 17 ans perdu comme une taille à la mer. Elle erre comme un zombie, regrette en partie son choix. Personne ne peut calmer sa douleur ou porter son poids. Je vivais en elle et elle le savait. Des fois elle me parlait. Elle inscrivait tout son mal-être dans un carnet. Elle m'a détesté, puis aimé, aimé, puis détesté. Puis elle s'est dit qu'elle gâchait nos vies si je restais. Elle aussi se demande ce que j'aurais pu devenir. Ferait-elle le même choix si en arrière elle pouvait revenir? T'inquiète, c'est vite fait. C'est ce que lui disaient ses copines. Mais la douleur la gênait comme si elle commettait un crime. Aujourd'hui elle prie, estime avoir fait le bon choix. Elle n'était pas prête, j'aurais donc souffert sous un faux toit. Des mois ensemble et je sais que ça t'a sonné. Cesse d'avoir mal, sache que t'es déjà pardonné. Une âme perdue, victime d'un choix. Imagine ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. Turbulent, calme, heureux, triste. Imagine sa life s'il était né. Un gosse perdu, un prince ou un king. Un petit délaissé sans estime s'il était né. J'pense qu'il te pardonne. Parce qu'il sait ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. J'faisais le voyou, me mettais dans des draps. Aujourd'hui tu peux pas comprendre quand j'ai ma fille dans mes bras. J'avais 20 piges à l'époque, j'ai fait mon choix. C'était comme un nouveau départ, une renaissance en soi. J'étais un loup qui traquait du palpable. J'ai mis mes couilles sur la table, j'en avais besoin et je savais que j'en étais capable. Je fais pas une morale sur le pour ou contre l'avortement. Par contre, je suis plus que contre les mauvais comportements. Alors je big up les ladies qui élèvent leurs gosses seuls. Big up tous les couples qui ont eu des gosses jeunes et qui les assument. Pour eux, j'en place une que je parfume. Toutes ces aléas de la vie par ma black plume. Darren, tout ça aurait pu ne jamais arriver. J'aurais pu fuir mes responsabilités cash pour m'amuser. C'est pas un game de créer la vie en soi. Y'a pas de jugement, c'est toi et toi et ton choix. Une âme perdue, victime d'un choix. Imagine ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. Turbulent, calme, heureux, triste. Imagine sa life s'il était né. Un gosse perdu, un prince ou un king. Un petit délaissé sans estime s'il était né. J'pense qu'il te pardonne. Parce qu'il sait ce qu'aurait pu être sa life s'il était né. Je sais que ça t'a blessé, mais dans l'intérêt de vous deux ou de vous trois, t'as fait ce choix, ça t'a fait mal, mais je le respecte. T'es une femme qui élève seule ton gamin qui te bat pour son bonheur. Chaque jour que Dieu fait, ben moi je respecte. Vous avez votre gosse trop jeune, vous êtes battu pour vous trois. Aujourd'hui encore à trois, alors je respecte. Peu importe ton choix, du moment que tu l'assumes et que tu fais tout pour être responsable, moi ça je respecte. Qui ça mon africaine princesse? À la nouvelle génération, à tous ces gosses qui grandissent partout dans le monde et à tous ceux qui auraient pu naître.